On va parler du centre de ski de Tomiski. Pourquoi on parle immédiatement du centre de ski? C'est que le nouvel hebdo nous apprenait la semaine dernière que ça a monté pas mal les inscriptions pour le vélo de montagne dans les sentiers du centre de ski de Tomiski. Et semble-t-il qu'on est proche de que le centre soit ouvert 4 saisons. Quoi qu'il en soit, on va en parler avec le directeur général du centre de ski de Tomiski, Guillaume Patrice. Salut Guillaume! Bonjour Dan, ça va bien? Oui, ça va bien, ça va bien. Guillaume, effectivement, est-ce que je me trompe en disant qu'il y a eu une nette progression cette année des inscriptions pour le vélo de montagne au centre de ski de Tomiski? Ben non, dans le volet jeunesse, l'école de vélo de montagne cet été a doublé sa capacité. Dans le fond, il y a eu le double de nombre de jeunes qui se sont inscrits, qui ont suivi les cours avec les entraîneurs. Donc, ça a été une belle progression. C'est ça, dans le vélo de montagne, on a eu beaucoup de participants. On a eu plus de 50 membres actifs qui sont venus dans nos sentiers, qui sont venus constater les améliorations. On s'améliore d'année en année. Cette année, on a eu plusieurs améliorations, autant pour initier la clientèle, on a fait des promotions, des soirées sorties, feu de camp, location de vélo à prix abordable. On a installé des nouveaux modules. L'entretien des sentiers, on a amélioré l'entretien des sentiers. On a installé un lave-vélo supplémentaire au hall des Bleuets. Donc, puis c'est ça. Donc, on a été pas mal actifs. Puis ça, c'était avec le travail de bénévoles. C'est quand même remarquable là, d'avoir tenu une saison estivale avec l'apport du travail bénévole comme ça. Là. OK. Est-ce que votre piste a-t-il beaucoup de kilomètres? Ben, au total, là, le nombre de sentiers, là, incluant, ça inclut sentiers pédestres, les sentiers techniques, c'est plus de 28 km que les gens peuvent venir puis pratiquer leur activité. Oui. Okay. Comme en randonnée pédestre, là, on a plus d'une vingtaine de membres qui se sont inscrits cette année. Puis ça, à cela s'ajoute les billets d'accès journalier que les gens pouvaient acheter chez Interfor ou directement au kiosque d'information touristique du Hall des Bleuets. Donc, tu sais, il y a des gens qui sont venus faire la course à pied encore en automne, c'est un bon temps. Il y en a qui ont fait de la quête de champignons, les petits fruits sauvages. Il y en a qui ont fait des randonnées photos, des pique-niques en famille, tout ça. Il y en a beaucoup aussi qui viennent observer la... Tu sais, on a quand même une belle diversité dans la faune et la flore, donc c'est intéressant aussi, les sorties en famille. C'est un beau centre, c'est le bord de la rivière Aura, tout ça, là, c'est vraiment un centre pour tout le monde. Là, fait que... OK. Si on parlait maintenant des 50, est-ce que il y a eu du travail de promotion fait pour monter à 50 déjà, ça a doublé? Ou c'est le club qui a tout simplement progressé? Bien, on a quand même fait de la publicité. On a, tu sais, ça fait plus d'un an qu'on travaille sur l'image de marque, le centre plein air. On travaille fort justement pour faire connaître l'ensemble des activités. On a fait un kiosque aussi à la fête de la famille. On fait des promos, on est beaucoup présents sur le web. Oui. Puis en ayant aussi deux points d'accès de vente chez nos partenaires privés, mais ça rendait encore plus facile aux clients c'était encore plus facile à la clientèle de se procurer leur billet sur leur carte de membre ou leur droit d'accès journalier. Puis aussi dans les compétitions, on a eu la compétition de vélo de montagne, ça a attiré plus de 125 athlètes. C'est vraiment intéressant aussi. Puis toutes les activités qu'on faisait spontanées via notre page Facebook, ben ça a amené la nouvelle clientèle aussi de randonneurs et de cyclistes. Ah, c'est bon ça. Est-ce que ça va fort? Parce que là, je sais qu'il y a un projet à Tomiski d'ouvrir 4 saisons. Je pense que c'était 20 000 $, je me rappelle bien le projet comme tel. Là. Dans le nouvel hebdo, on dit on s'en va vers un 4 saisons. Est-ce que le dossier approche de ce côté-là, de ce que tu sais? Bien, on travaille très fort dans ce sens-là. C'est beaucoup de sous. Je peux pas vous le chiffrer immédiatement en termes de valeur monétaire d'investissement. Mais, tu sais, nous, dans le fond, c'est pour ça aussi qu'on fait beaucoup appel à la population. On fait un gros travail de sensibilisation au fait que si on veut développer la montagne 4 saisons, il faut que les gens s'investissent. Puis la façon de s'investir, bien, c'est de payer leur droit d'accès. Chaque dollar est important, surtout pour un organisme comme ça, un peu non lucratif, avec la grosseur et la lourdeur des infrastructures qu'on doit supporter. Bien, chaque dollar est important. Fait que ça part de là. T'sais, nous, on voit vraiment la progression en partant de la base. Donc, on a aussi un bon soutien quand même de la ville de Dolbeau-Missassigny. Ouais. On a aussi un bon soutien de partenaires privés. Comme cet été, ben, tu sais, on a eu le Club Vélo 2 Max, on a été partenaire. On a eu Intersport, le Jean Coutu, en Mardoire, ABC Informatique. Tu sais, c'est tous des partenaires qui ont amené leur petite contribution, soit monétaire ou en don de biens matériels pour nous aider justement à offrir une saison estivale digne de ce nom, là, si okay. je me permets. Okay. Puis sans compter le fait que les bénévoles portent l'organisme vraiment haut et ils travaillent très fort. Fait que ça aussi, c'est ça permet justement de d'ouvrir la station de plus en plus. Fait que on est dans notre phase de développement, comme on dit. Okay. Comment vous êtes de bénévoles? Parce que je sais que dans le CA, je sais très bien, je suis touché, ma cousine est partie pour Québec, donc... Donc, éventuellement, il va falloir la remplacer. J'en connais une autre également qui est partie à Chicoutimi. Donc, dans CIO, il va sûrement avoir des nouveaux postes. Est-ce que... Oui. Mais là, tu parles de bénévoles. Comment qu'il y a de bénévoles qui travaillent à Domiski? Bien, dans le CA, c'est environ 9 personnes. Ouais. Mais sinon, quand on fait des corvées, tu sais, il y a des gens qui viennent nous aider de façon spontanée. Donc, les bénévoles, ça greffe, vont et viennent, là, je vous dirais, là, ça s'ajoute, il y en a qui partent, il y en a qui reviennent. Tu sais, moi-même aussi, j'aide de façon bénévole sur certaines tâches. Tu sais, tout le monde met l'épaule à la roue. Des fois, c'est vraiment de l'aide spontanée pour une activité X, un mercredi soir. Mais c'est ça, on a au-dessus d'une dizaine de bénévoles là, qui aident. Okay. Puis, en plus des amis qui viennent des fois pour les corvées, là, donc ouais, c'est okay. ça. Mais la base solide, le noyau dur, c'est une dizaine de bénévoles. Là. OK. Parle-moi maintenant de la saison hivernale. Ça ne veut pas d'ici 2 à 3 mois, on va être sur le bord d'ouvrir. Est-ce que vous préparez déjà votre saison hivernale? J'imagine que oui, là. Oui, il va y avoir de la nouveauté. Fait qu'on ah ouais? va pouvoir se reprendre une autre entrevue, mon cher Dan. On n'en parle pas immédiatement parce qu'on est encore aussi dans les activités dites estivales. On est encore dans nos. Il y a encore de belles randonnées d'automne à faire, autant au niveau du vélo. Ah oui, surtout les feuilles vont commencer, là, ça va être beau, là. Exactement. Oui, la flambée des couleurs, comme on dit, ouais. Ça va être le temps. Donc, on invite les gens encore à venir nous voir, puis à nous suivre sur Facebook, Centre plein air de Miski, parce qu'on le met régulièrement à jour, autant qu'on a des promotions, des activités spéciales, ou on met ton entrevue va se retrouver aussi sur notre page Facebook. Ben, c'est bien correct, ça. c'est ça, mais il reste encore pas mal de belles activités, puis on est ouvert aussi aux propositions des gens. Tu sais, des fois, les gens, ils ont des bonnes idées, puis ils veulent s'impliquer, fait qu'ils peuvent communiquer avec nous aussi s'ils veulent partager leur idée, puis s'impliquer au niveau de ça aussi. OK. Quand tu parles de nouveautés, est-ce que c'est une grosse nouveauté, une moyenne nouveauté ou une petite nouveauté? Ben, ça se situe à plusieurs niveaux, je dirais. Donc, mais c'est ça, ça reste des choses à confirmer. Donc, on va pouvoir se reparler à ce niveau-là. By the way, c'était sûr qu'on s'en reparlait. C'était sûr, by the way, qu'on s'en reparlait. Oui, exactement. Mais là, ce qui est le fun, c'est qu'on n'attend pas juste la neige dorénavant à Domiski. Le beau temps, oui. C'est parti de le beau temps estival, le beau temps automnal, le beau temps de printemps. Maintenant qu'on développe de plus en plus le volet 4 saisons, ben, chaque saison va nous apporter son lot de nouveautés et d'activités. Parce que quand même, l'année passée, juste dans la saison hivernale, on a fait plus de 20 activités thématiques qui ont rejoint les familles. Tu sais, on vise de plus en plus à rejoindre les familles, pas juste de Dolbeau-Missassigny, mais de la MRC au complet. Donc, okay. On rejoint de plus en plus ces gens-là. Fait que c'est plusieurs milliers de personnes qu'on réussit à rejoindre à travers les différentes activités. Puis, on est avec... la part de la joujoutèque, de la bibliothèque, c'est les prêts de livres. Les gens peuvent lire des livres ici quand ils viennent sur le site, ou emprunter des jeux. On veut que les gens viennent passer du temps, puis ça sera agréable pour tout le monde à Domiski. OK, effectivement. Ben Guillaume, un gros merci. On va se reparler. C'était prévu, by the way, qu'on s'en reparlait, là, mais on va se reparler dès l'ouverture de la saison hivernale du centre de ski de Domiski. Merci beaucoup. Continue ton bon travail et au plaisir de se reparler. Le directeur général du Centre de ski de Domiski, Guillaume Petrin.